des envolées instrumentales et des chansons qui touchent au cœur. Le 18 octobre, préparez-vous à tomber sous le charme d'Elizabeth Shepherd au Palais Montcalm, Maison de la musique. Détails au palaismontcalm.ca. Hey! Bienvenue sur Genix et Climax 80, épisode 13. Et c'est sur CKRL Radio, le 89.1, à Québec. Ce soir, on va clore enfin, malheureusement, le spécial Elvis Presley. Yeah, thank you very much. Mais c'est pas grave, on va avoir plein de chansons super cool. On va revenir aux années 80 ce soir. Donc, on va avoir Starship, Sarah. On va voir. Merci Lana d'avoir trouvé cette chanson. Je m'en serais jamais rappelé. Je sais pas comment t'as fait. Merci. Bravo. Un programme plutôt francophone ce soir. Beaucoup de chansons françaises. Gainsbourg, Bardot, Boris Vian, etc., etc. Les amis, restez des nôtres. Ça va être un super programme à Genix et Climax 80 sur CKRL Radio, le 89.1 à Québec. L'émission Genix et Climax 80, c'est d'abord un feuilleton radio d'après une œuvre originale et encore inédite. Genix et Climax 80, c'est le titre du bouquin. Le texte est interprété par l'auteur lui-même, Monsieur Florian, votre animateur, tous les vendredis de minuit à 2h du matin. C'est donc une émission à caractère littéraire et un programme musical aussi incroyable qu'éclectique, composé des plus grands succès de la décennie 80. Et donc, si je vous fais le pitch du feuilleton, eh bien, c'est qu'au milieu des années 80, dans la ville de Québec, les tribulations sentimentales et masturbatrices d'un jeune adolescent de 15 ans qui, suite au divorce de ses parents et à l'éclatement de sa famille, à la perte de ses valeurs, cherche l'exutoire dans la musique métal et dans la semi-délinquance. Alors, on va y aller avec un petit récapitulatif sur cette excellente chanson de Joe Dassin. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Et on va même la dédier à tous les auditeurs de Genix et Climax 80 qui sont fidèles et même aux nouveaux venus, parce qu'il y a toujours des nouveaux venus sur Genix et Climax 80. Vous écoutez Si tu n'existais pas de Joe Dassin. Et c'est sur CKRL Radio, le 89.1 à Québec. Il n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Précédemment, sur Genix et Climax 80, alors, dans l'épisode 1 et 2, on a eu droit à cette longue préface, une super belle parlotte au sujet des années 80, etc. Et donc, dans les épisodes 3, 4, 5 et 6, on eut présenté notre héros, le Genix, qui mangeait comme 4 et qui se réveillait chez le chum de sa mère. C'est ce soir qu'on va découvrir un peu pourquoi. Et donc, on l'a vu aussi dans le show de Maiden, on a vu ses amoureuses secrètes, K et Joe, qui étaient étrangement associés à Dee Snider de Twisted Sisters. Dee avait été se faire coiffer chez Joe. Joe l'a bouclé. L'accroche-cœur de Sainte-Foy. Et puis dans les épisodes 7, 8, 9 et 10, c'est là qu'on avait essayé de découvrir pourquoi notre héros s'accrochait tant à toutes ces histoires bizarres. Iron Maiden et Twisted Sister, pourquoi? Les monstres, les zombies, les nazis. Enfin, non, pas les nazis. Mais les monstres, les blobs, les extraterrestres. Cosmos 1999. La quatrième dimension. Les pookies de toutes sortes. Pourquoi? Et doucement, ça nous avait mené au show de Kiss de chez Tigui Lacombe. En arrière de chez Tigui. Et ça nous avait tranquillement amené à Elvis Presley. Yeah, thank you very much. Voilà. Alors c'est là qu'on était rendu. Donc bienvenue tout le monde à l'épisode 13 de Genix et Climax 80. Votre feuilleton radio préféré sur CKRL Radio, le 89.1 à Québec. On avait donc pu apprécier notre spécial Elvis. Notre rétrospective nous avait amené donc à ce moment fondateur qui, dans le cas du Genix, comme dans le cas de bien d'autres, a conditionné finalement toutes ses chroniques au sujet du rock and roll. Et d'un ado, Jinx, masturbateur et délinquant, comme il en fut d'autres, et comme il en, espérons-le, il y en aura d'autres aussi. De toute façon, c'est toujours une histoire de boogie-woogie. Le boogie-woogie, et donc, on est prêt à vous souhaiter de nouveau bienvenue, tous les auditeurs. On vous a même dédié une chanson sur Jinx et Climax 80 et la séquence première de notre soirée. C'est à la page 119 et ça va nous faire plaisir d'y aller avec le titre. Ça s'appelle bizarrement. C'est un titre d'ailleurs très à propos, je crois, à cette heure-ci de la nuit. Surtout pour Léon, si tu nous écoutes. Léon, c'est notre fils et on lui intime fortement le conseil, la suggestion d'aller se de retourner se coucher. Et on lui dédie donc cette séquence sur le point de m'endormir. À la page 119. Je devais être sur le point de m'endormir lorsque la chanson « Come on everybody » a commencé. Quelque chose s'est alors produit en moi. Aujourd'hui, je sais, du moins, je crois savoir qu'il s'agissait comme d'un genre d'éclair du destin. Anne Margaret, Rusty, collant noir et petit pull sexy, très branché 60s, elle s'est soudain mise à se déhancher comme une tarée. Alors elle roulait des yeux comme une possédée vers Lucky de King. L'audience, une cinquantaine de personnes, tous des couples de jeunes étudiants, a commencé à taper des mains. Puis, ils se sont mis à s'exciter également comme de beaux diables dans l'eau bénite. Harley. C'est là que ma mère, à laquelle j'étais adossé comme dans une chaise longue, elle s'est mise elle aussi à s'agiter, tout comme Rusty, avec une sorte de chaleur électrique qui a dû certainement chatouiller mon âme de petit garçon en plein complexe d'Oedipe. En tous les cas, cela a dû me faire vibrer, puisque je me souviens d'avoir demandé à ma mère « C'est qui le monsieur qui chante ?» Lui, c'est Elvis Presley, qu'elle m'avait répondu. J'avais d'abord trouvé qu'il avait un drôle de nom. Hey, mama, don't you treat me wrong. Come and love your daddy all night long. All right. Hey, hey. All right. Cependant, elle avait dit ça comme avec un certain sourire. Une espèce de fierté tremblante dans la voix. C'est sans doute à ce moment précis que je me suis dit en moi-même « Waouh, c'est quand même super cool d'être comme ce Elvis Presley ou je sais pas quoi. On passe plein de belles journées à chanter, à s'amuser, à faire des blagues avec ses amis autour de la piscine. En plus, avec plein de jolies filles en bikini, avec ça, on conduit de superbes bagnoles de course. Et à la fin, on n'a plus qu'à remporter le Grand Prix et le cœur palpitant de la belle Rusty. Ça avait l'air presque trop facile. C'était What I Say de Elvis Presley. Et les amis du début, malheureusement, je ne me souviens pas de leur nom. Mais c'est pas grave. Il est 1h16 et le temps est clair à Québec City. Vous écoutez CKRL Radio, la radio la nuit à Québec. Et donc, nous sommes d'ores et déjà prêts pour la séquence 2. C'est à la page 121. Et ça s'intitule Un sourire pour toujours. Moi, à l'époque, j'étais surtout obnubilé par l'idée de faire sourire maman, de la faire danser et se tortiller de la sorte, même assise avec moi devant la télé. Voilà ce qui m'intéressait. Je venais de trouver ce que je ferais quand je serais grand. Ce serait ça mon travail. Faire comme ce Elvis Presley. Ou enfin, quelque chose dans ce goût-là. Ouais, cela me semblait hyper clair. Que cela ferait à maman comme un joli sourire dans son cœur. Et ce sourire, il durerait pour toujours. And it's not too late to realize our mistake. We're just not right for each other. Separate Ways, c'est ce qui clôt notre spécial Elvis Presley. Yeah, thank you very much. Et je le dédie à maman et à toutes les mamans du monde qui un jour, forcément, trouvent un autre chemin. Et c'est la vie. Separate Ways sur CKRL, le 89.1 à Québec. There's nothing left to do but go our separate ways and pick up all the pieces left behind us. And maybe someday, somewhere along the way, another love will find us. Someday when she's older, maybe she will understand why her mom and dad are not together. The tears that she will cry when I have to say goodbye will tear at my heart forever. There's nothing left to do but go our separate ways and pick up all the pieces left behind us. And maybe someday, somewhere along the way, another love. Separate Ways de ce bon vieux I. Et c'est donc comme ça qu'on va clore notre spécial Elvis qui dure quand même depuis une couple de semaines. Et là, c'est Lana qui m'a arrêté, non? Pas vrai? Tantôt, tu m'as dit. Qu'est-ce que tu m'as dit tantôt? Je t'avais dit, est-ce qu'on continue avec Elvis? Ce soir, non, tu m'as pas dit ça sur ce ton-là. Tu m'as dit, hey, continue avec Elvis. Non, bon, on va arrêter, là. Moi, bon, j'aime Elvis. J'adore Elvis, comment? Toi aussi, d'ailleurs. Oui. Tu sais, tender, tu sais mon histoire. Love avec me, Elvis. Tender, love me true, never. Bon, écoute. C'est la fin officielle du spécial Elvis, et là, on va retourner dans les années 80, puisque c'est notre mandat, non? Yep. Bon, voilà. Mais tout à l'heure, Genix et Kleenex. Yes. Genix et Climax 80. C'est pas Genix et Climax. J'ai pas Genix et Climax 1956. Donc, OK. Alors, on va y aller avec une chanson. Là, on va y aller avec un segment, avec un petit peu de musique. D'abord, on va y aller avec une excellente chanson qui va être accord avec Elvis. Et on va la dédier à mon cher cousin Ricky. Ricky, si tu nous entends, c'est pour toi. C'est Johnny Cash. Et c'est pour te dire que des fois, tu sais, on peut être entouré de super personnes, super le fun, mais des fois, se sentir seul. Et je te le dis à toi, mon cousin, des fois, je me sens seul. Fait que, c'est pour toi, Ricky. Johnny Cash. Sur CKRL, le 89.1 à Québec. If they asked me, I guess I'd be denied that I've been unhappy all along. But if they heard my heart, they'd hear it cry. Where's my darling, when's she coming home? I ask myself a million times what's right for me to do. To try to lose my blues alone or hang around for you. Well, I make it pretty good until that moon comes shining through. And then I get so doggone lonesome. Still when you're awaiting, sometimes I think my heart is stopping too. One lonely hour seems forever, 60 minutes more to wait for you. But I guess I'll keep waiting till you're with me, 'cause I believe that loving you is right. But I don't care if the sun don't rise tomorrow, if I can't have you with me tonight. Well, I know I'll keep on loving you, 'cause true love can't be killed. I ought to get you off of my mind, but I guess I never will. I could have a dozen others, but I know I'd love you still, 'cause I get so doggone lonesome. Yes, c'était Johnny Cash pour Ricky. Alors, on va y aller avec une chanson de Boris. Boris, ça va nous faire transiter avec Elvis. Boris, Elvis, chante nous ça, Johnny. Johnny! À mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râpé comme tout. Ensuite, on va aller à la publicité. Et on vous revient tout de suite après Johnny. Fais-moi mal. On vous revient avec Genix et Climax 80. Vous êtes à CKRL, le 89.1 à Québec. Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal. Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un œil bête, il comprenait rien, le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche. Je me fais mon mal, Johnny, Johnny, Johnny, je suis pas une mouche. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. Moi j'aime l'amour qui fait boum. Vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal. Voyant qu'il vas-y, ne s'excitait fais-lui mal. Je l'ai insulté sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec et il m'a dit, arrête ton char, tu me prends vraiment pour un pauvre mec, je vais t'en refiler de la série noire. Oh, tu me fais mal, John, pas avec les pieds. Si, tu me fais mal, John, j'aime pas l'amour qui fait bim. Il lui a fait mal, il lui a fait mal. Il a remis sa petite chemise. Et si vous comptez pratiquer la violence conjugale ce soir, eh bien, laissez votre char à la maison. Ne prenez pas vos clés. Laissez votre auto dans l'entrée. Prenez un taxi. Plus jamais, je ne dirai, fais-moi mal, Johnny, enferme-moi au ciel. Non, mais fais-moi mal, Johnny. Moi, j'aime l'amour qui fait boum. Oh, Johnny. Oh, la vache. Oh, j'en ai marre, alors. Manqué à l'Anglicane de Lévis. C'est le retour des apéros éclatés. Pour la saison 2025-2026, embarquez sur la route du rire. 4 soirées, 4 spectacles, 100% humour. Véronique Isabelle Filion vous attend avec 3 invités surprises à chaque édition. Le 9 octobre, ne manquez pas Déric Frenette, Gab Ouellette et Rosalie Lacroix. Réservez vos mercredis 9 octobre, 13 novembre, 12 février et 9 avril à 17h45. La route du rire. Le détour qui vaut le coup. Informations et achats au espacedcl.ca. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15% de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. Découvrez Québec comme vous ne l'avez jamais vu. Au sommet de l'édifice Marie-Guyard, l'Observatoire de la capitale vous offre un panorama spectaculaire à 360 degrés sur la ville. Nouveauté pour les membres de la FADOC, le billet est à seulement 7 $. Une activité idéale pour profiter d'un moment unique dans un lieu accueillant et accessible à tous. Pour plus d'informations, observatoire-capital.com. Le mercredi 15 octobre à 10h, CKRL vous invite à syntoniser le débat des chefs de l'élection municipale de Québec axé sur les enjeux touchant les aînés et les personnes handicapées. organisé par l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées section Québec et le regroupement des organismes de personnes handicapées de la région La Capitale-Nationale, ce débat aborde des thèmes essentiels. Participation sociale et citoyenne, sécurité, logements sociaux accessibles et adaptés, mobilité et aménagement urbain, transport collectif accessible et abordable. Pour entendre la position des chefs sur ces thèmes, c'est un rendez-vous à ne pas manquer le 15 octobre, 10h, à CKRL. À ne pas manquer, à l'auditorium du Cégep de Lévis. Samedi 11 octobre à 19h30, comme chez nous, le 6e show de Réal Bélan, un spectacle qui entre dans l'intimité d'un comique. Samedi 18 octobre à 19h30, Cette voix se veut un témoignage d'affection de Dan Bigra envers son ami Jerry Boulet. Leur parcours unique vous sera raconté au travers d'anecdotes et de chansons. Samedi 15 novembre à 19h30, Luz Dufault, Lulu Hughes et Kim Richardson. Les trois interprètes se retrouvent ensemble sur scène dans un nouveau spectacle intitulé « Elle ». Informations et achats au espacedcl.ca. De retour à l'émission Genix et Climax 80 sur CKRL Radio, le 89.1 à Québec. S'il y en a qui ont des billets pour aller voir Jerry, moi j'y vais. Toi, y vas-tu, Lana? Oui, bien sûr. OK. Alors, deux billets. Si tu vas. Nous autres, on y va. On est cool. On aime ça. On fera pas de problème. Et puis, voilà. Le message est passé pour Jerry. On est là, Jerry. Alors, on va y aller tout de suite avec une chanson qu'on va dédier justement à ce même Jerry et à tous les Jerry de la province. On lui dédie La main drague de Brigitte. Pas Brigitte, la même Brigitte que vous croyez. Sur la plage abandonnée. Que je pourrais éventuellement coquillage et prendre Bribri, quoi. Mais non, c'est vraiment Brigitte. Qui depuis Brigitte Bardot, la main drague, sur CKRL Radio, le 89.1, à Québec. Dans des valises en carton. Et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine, tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le mistral va s'habituer à courir sans les voiliers. Et c'est dans ma Le mistral en fait c'est le vent du nord. Il va le plus me manquer. Et il va s'habituer. Il va s'habituer le soleil, mon grand à souffler sur nous. C'est ce qui s'en vient, les amis. C'est le mistral. Croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés. Il faut toujours garder le chagrin comme un ami, tout comme le mistral, les amis. De la plage ensoleillée. De la plage ensoleillée. Oh, que c'est bon, Brigitte, on t'aime. D'ailleurs, Brigitte, je pense qu'elle est rendue à 90 ans. Moi, je l'avais vue à Saint-Trope à l'époque. Je m'étais levé très tôt pour pouvoir l'apercevoir au marché de Saint-Tropez, et je l'avais vu de loin. Enfin, c'était pas la même Brigitte que dans Et Dieu crée la femme, évidemment. Mais c'était quand même Brigitte, et j'étais pas mal fier de ma chatte. On va y aller avec une autre chanson qu'on va dédier à Fulbert. On va la dédier à Fulbert. Fulbert, c'est un chauffeur de taxi. Et c'est un excellent chauffeur de taxi, d'ailleurs, comme Jean. Comme tous les taxis, tous les chauffeurs de taxi de Taxi Coop, Québec City. Et on va lui dédier cette chanson à lui, Jean. Et à toi, Fulbert. Sache. Joe le taxi, Vanessa Paradis. Oui. Voilà. Tout est dit. Vanessa Paradis et Joe le taxi. C'est pour toi, Fulbert. Et pour tous les chauffeurs de Taxi Coop. Salut le taxi numéro 193 qui vient de passer en avant de chez nous. On est sur la 3e avenue, mes amis. C'est un taxi blanc. Il est parti. Salut Joe. Joe le taxi. Yeah. Joe le taxi, c'était pour Fulbert et pour tous les taxis de nuit de Taxi Coop Québec City. Allons-y donc avec une dernière chanson du bloc avant la séquence 3. Eh bien, ça va être, disons, ce qui va clore le spécial Elvis. C'est une chanson de Serge Gainsbourg. J'allais dire Chers. Chers. Une chanson de Chers Gainsbourg. Donc, Serge Gainsbourg, c'est Mr. Jekyll and Dr. Hyde. Non, je ne suis pas le Dr. Jekyll. Je m'appelle Hyde, Mr. Hyde. Yeah! Dr. Jekyll, il avait en lui un Monsieur Hyde qui était son mauvais génie. Mr. Hyde ne disait rien, mais en secret, n'en pensait pas moins. Que je ne suis pas le Dr. Jekyll. Que mon nom est Hyde, Mr. Hyde. Dr. Jekyll n'a eu dans sa vie que des petites garces qui se foutaient de lui. Mr. Hyde, dans son cœur, prenait des notes pour le docteur. De Dr. Jekyll. Hello, Dr. Jekyll. Mon nom est Hyde, Mr. Hyde. Dr. Jekyll un jour a compris que c'est ce Monsieur Hyde qu'on aimait en lui. Mr. Hyde, ce salaud a fait la peau du Dr. Jekyll. Dr. Jekyll. Alors, je crois qu'on est mûr pour aller à la séquence 3 de notre soirée Genix et Climax 80 sur CKRL Radio, le 89.1 à Québec. Donc, vous avez compris que on retourne aux années 80. Et donc, on avait fait toute cette rétrospective. Je crois que c'était dans l'épisode 7 ou 8. Où on avait abordé justement le concert de Iron Maiden. Parce qu'on avait, commencé à expliquer finalement l'origine du conflit qui avait mené à l'éclatement de la famille du Genix, le héros de ce feuilleton radio, Genix et Climax 80, votre feuilleton radio préféré. D'ailleurs, le seul feuilleton radio, je crois, dans toute la francophonie. À moins qu'il y en ait un autre et qu'on le connaît pas. Et si c'est le cas, eh bien, faites-nous le connaître. Et on sera prêt à échanger nos macarons avec eux, puisque j'imagine qu'on fera tous deux partie de cette expérience anthropologique exclusive. Je veux bien sûr parler de celle des feuilletons radio. Dans la francophonie, ils sont si peu. Donnez généreusement quelques miettes de votre temps pour la littérature et l'exutoire. Cet exutoire que notre Genix, le héros de notre feuilleton, cherchait désespérément à l'époque. Séquence 3, page 121, octobre 85. Alors, disais-je, en cette nuit fameuse d'octobre 85, celle où ma famille avait volé en éclats, je marchais le long de la voie ferrée du CN, à l'époque, entre le fleuve et la rue Saint-Laurent, à Levy Beach. Le garçon de 14 ans que j'étais, confus et perdu, allait dans l'obscurité, parsemé ça et là, à sa droite. des quelques rares lumières de la ville de Québec, juste en face, de l'autre côté de la rivière. Vous pensez bien que notre garçon se trouvait à des distances infinies de ces moments de félicité et d'innocence de la décennie précédente. On va écouter Sarah de Starship et on va la dédier à une Sarah, on sait pas si elle nous écoute à l'autre bout du monde, mais en tout cas on lui dédie, Lana, on lui dédie cette chanson. D'accord. Si. Si. Certo. Ti dedichiamo quella canzone a te, Sarah. Starship. Sarah sur CKRL Radio. Le 89.1 à Québec. Alors, suite à cette chanson, je crois que tout le monde a compris que le spécial Elvis est terminé et que on peut retourner à cette belle époque du milieu des années 80. Enfin, dans notre récit, notre feuilleton radio, votre feuilleton radio préféré, Genix et Climax 80. Allons-y donc pour la séquence 4 à la page 121. Ça s'intitule « À côté de la traque ». J'avais décidé de marcher à côté de la traque plutôt que sur l'accotement de la rue Saint-Laurent, parallèle au fleuve. Question d'éviter d'éventuelles autopatrouilles. Elles auraient pu être tentées de contrôler l'identité du jeune original, tout seul sur le chemin, par une heure si tardive de la nuit. Par ce doux dimanche d'octobre, alors que tout le monde savait bien qu'il y avait école le lendemain. Écoutons Billy Idol. Eyes Without a Face. Vous êtes sur CKRL Radio. La nuit, au 89.1 à Québec. You make it dim into something. CKRL 89.1. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que vous voulez savoir ça? C'est pas assez de juste savoir que c'est moi? Ben, je fit pas le profil. Ben, de manière complètement objective, je fit pas le profil. Je suis une jeune femme éduquée, mes professeurs diraient brillante. Fait que pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Demain, je serai personne. Une pièce de Saria Bazin dans une mise en scène de Philippe Soldevilla. Une coproduction du théâtre Sortie de secours et de la compagnie Excentrée. Du 30 septembre au 18 octobre, billets en vente sur premieracte.ca. Premier Acte remercie ses partenaires de saison. La Caisse des Jardins de Québec, la Caisse d'économie solidaire, Hydro-Québec, Le Soleil et la Fabrique culturelle. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du jazz avec le Oscar Peterson Centennial Quartet. À l'occasion du centenaire du légendaire pianiste canadien Oscar Peterson, quatre virtuoses lui rendent un hommage vibrant en interprétant ses œuvres les plus célèbres ainsi que de grands standards du jazz. En prélude, une présentation multimédia et les mots de sa fille Céline Peterson vous plongeront dans l'univers intime du maître. Le 24 octobre, célébrez les 100 ans du mythique Oscar Peterson au Palais Montcalm, Maison de la musique. Détails au palaismontcalm.ca. Le site archéologique Quartier Robertval à Cap-Rouge prolonge sa saison de visite libre jusqu'au 21 novembre. Venez admirer la vue spectaculaire depuis la passerelle, capturer des clichés inoubliables ou simplement vous ressourcer au cœur de paysages automnales magnifiques. Ne manquez pas cette dernière chance de découvrir un site historique et une vue impressionnante avant l'hiver. N'oubliez pas, cet automne, on se donne rendez-vous au site archéologique Quartier Robertval à Cap-Rouge. Le mercredi 15 octobre à 10h, CKRL vous invite à syntoniser le débat des chefs de l'élection municipale de Québec axé sur les enjeux touchant les aînés et les personnes handicapées. Organisé par l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées section Québec et le regroupement des organismes de personnes handicapées de la région de la Capitale-Nationale, ce débat aborde des thèmes essentiels. Participation sociale et citoyenne, sécurité, logements sociaux accessibles et adaptés, mobilité et aménagement urbain, transport collectif accessible et abordable. Pour entendre la position des chefs sur ces thèmes, c'est un rendez-vous à ne pas manquer le 15 octobre, 10h, à CKRL. Alors, de retour à l'émission Genix et Climax 80, votre feuilleton radio préféré sur les ondes de CKRL Radio, le 89.1 à Québec. Séquence 5. Page 121. Malgré le psychodrame, en dépit de la gravité de la situation qui m'avait jeté dans cette quête, je ne pouvais cependant m'empêcher de m'amuser comme un gamin, à marcher en équilibre sur le rail, aussi longtemps que possible, sans mettre le pied à côté. Ou encore à m'exercer à ne marcher que sur les traverses de bois, tout en évitant soigneusement de toucher aux cailloux, etc., etc. Pourtant, la journée s'était déroulée presque comme à l'habitude, à part le fait que ce matin-là, à mon réveil, maman était partie. En fait, elle n'était pas du tout rentrée couchée. On va dédier René Martel et sa superbe chanson Un amour qui ne veut plus mourir. On va la dédier à Richard et à sa blonde. Et on va la dédier à Lana et à son chum qui ont fêté la semaine dernière leur 17e anniversaire de vie commune. C'est pas toujours facile, mais c'est comme ça. quand on a un amour qui ne veut plus mourir. Joyeux anniversaire, Lana. René Martel, j'ai un amour qui ne veut pas mourir, et c'était dédié à Richard, à sa blonde, et à Lana et à son chum. Lana et son blonde. Ouais. Écoute, il faut bien encourager les gens qui réussissent quand même à traverser les années, les crises. C'est pas si évident que ça quand même, mais en tout cas, on les salue et on les félicite. Et c'est ce qui nous amène donc à la séquence 6 de notre soirée. Il est 1h04 à Québec City, dans la vieille capitale. Le temps est clair. C'est pas chaud, mais c'est quand même une belle soirée pour aller faire un tour. C'est la soirée idéale pour écouter Genix et Climax 80, les amis, qui, en fait, si on devait, enfin, si on était obligé d'en parler pour les nouveaux venus, eh bien, on dirait que l'émission Genix et Climax 80, c'est d'abord un feuilleton radio d'après une œuvre originale et encore inédite, Genix et Climax 80. Le texte est interprété par l'auteur lui-même, Monsieur Florian, votre animateur, tous les vendredis de minuit à 2h du matin. C'est un show à caractère littéraire et un programme musical aussi incroyable qu'éclectique, composé des plus grands succès de la décennie 80, les amis. Aïe, on délire sur Genix 80. Fuck! J'espère que vous êtes là. Ou, enfin, que vous soyez là ou pas, nous, on y est. Et on est là pour, enfin, déblatérer d'une façon plus ou moins stylée sur les tribulations sentimentales et masturbatrices d'un jeune adolescent de 15 ans qui, suite au divorce de ses parents et à l'éclatement de sa famille, cherche l'exutoire dans la musique métal et aussi dans la semi-délinquance. Nous, On pratique aussi la semi-délinquance littéraire avec nos petites chroniques poético-romanesques ou romanesco-poétiques. À vous de voir. On y va déjà avec la séquence 6 et ça s'appelle KFC. J'avais été travailler comme chaque dimanche au KFC, dont mon père était le gérant. J'y bossais déjà depuis presque un an. J'étais très content d'avoir un emploi. Cela me procurait de l'argent de poche en quantité substantielle pour mon âge. De plus, cette relative indépendance financière, due à mon statut de salarié à temps partiel, syndiquait de surcroît. J'avais même ma carte de chez les métallos. Donc, mon statut de salarié me donnait sans doute les moyens de quelqu'un d'un peu plus âgé. Avec les filles, en tous les cas, avoir un peu de monnaie pour aller au cinéma, je me disais que ça ne pouvait certainement pas nuire. Surtout que déjà à l'époque, K rentrait progressivement dans le décor. Donc, à part ça, rien de spécial pour le dernier week-end de l'existence effective de ma famille. Et conseguino sardine, Pinochet dans les déchets et Choquette dans les toilettes. Tandis que Trudeau fait le pitre, je réclame droit au chapitre, droit de presse et d'être pressé, ma jeunesse est à consumer. Et parlant de consommation, vos femmes, enfants et maisons, tristes bourgeoises en bourgeoisées, tous les dimanches en dimanché, votre cravate à votre cou me fait songer à un licou, et vos autos dans vos garages véhiculent votre esclavage. Dans l'inconscience, inconscient même de vos sens, tous vos jugements a priori, tous vos mots convides d'esprit, votre pénible soumission à l'argent et à sa raison. La vie n'est pas une tiédeur, c'est chaud ou froid et à toute heure, vos vies calquées sur l'IBM machine à sous, c'est toi que j'aime, tout blême sous son maquillage, la solution les mariages. S'achète sur la finance et c'est bien la confiance. Allez. Vous dénigrez ceux qui s'opposent en attendant la ménopause, ouvrant la porte à vos cancers, traçant la voie à vos ulcères. On ne meurt plus de maladie, on se suicide au compromis. Suicide à un, suicide à deux, civilisé des templiers, tous vos besoins sont satisfaits, on se marie, l'amour est fait. Mais qu'ai-je à perdre ainsi mon temps, excrémenté dans vos états? Je m'en vais de ce pas ailleurs pour cueillir de nouvelles fleurs. Fleurs du soleil, baissant la nuit, hors du réveil, sous un ciel turc, ma vie ne met pas au rancard la tendresse du nénuphar. Je voyage au trot sur mes mots, je suis heureux et je suis bon, car débouchant sur l'infini, ma vie débouche sur la vie. On a écouté notre plume La Traverse nationale avec son poulet barbecue. Tous les grands hommes qui ont changé la face du monde par la pensée. passée, mangeait du poulet de chez Métropole. De chez Métropole. De chez Métropole. Yeah. Plume la traverse. Poulet barbecue. Ça nous mène exactement pile poil sur la séquence numéro 7. Et ça s'intitule La crise, page 123. La crise couvait néanmoins depuis quelques semaines, déjà quelques mois. Mes parents se disputaient à mon couvert depuis un certain temps. Je protestais à ma manière afin d'offrir un solide contrepoids, sans doute dans le but inavoué et saugrenu de les réunir autour d'une cause commune. Je réussirais bien, pensais-je, à les obliger à devoir offrir un front commun pour contrer mes nouvelles tendances à la délinquance. La DPJ parviendrait sans peine à leur mettre le nez dans leur caca. Ils seraient bien obligés de faire quelque chose. Je saurais bien leur redonner leur sens des priorités. Il faudrait définitivement un encadrement plus strict et une surveillance accrue pour leur nouvel ado. Du moins, s'ils ne voulaient pas qu'ils se mettent à mal tourner et qu'ils ne deviennent réellement un voyou. Je n'avais donc ainsi trouvé les plus nobles prétextes pour faire les 400 coups avec au menu quotidien mes frasques scolaires, bagarres, indiscipline, cabotinage, torture psychologique de certains professeurs. Ceci dit, tout de même, légèrement fragile du bulbe. On écoute Nanette avec une excellente chanson qui date de 2022. C'est pas les années 80, mais c'est pas grave parce que c'est Nanette, notre Nanette nationale. Donne, donne. Salut Nanette, chante-nous donc ça. On m'accusait même d'incitation à la grève des étudiants visant à rétablir le droit de fumer dans l'enceinte aboli juste l'année d'avant. Rien que ça ? Ouais. Bon, la grève, j'avais cru bien faire. Mais à la maison, dès que je rentrais, ma famille se retrouvait exposée à des doses journalières prolongées d'une musique très agressive, sauvage, et souvent avec le volume à fond. Dans ma chambre, à la porte toujours close, dès qu'il faisait nuit, les faisceaux de mon stroboscope à la lumière verte clignotaient au max. Cela me donnait occasionnellement quelques vertiges, quasi épileptiques. Parfois, cela pouvait aussi ressembler au mal de mer. J'avais un peu le tourni. Disons qu'il flottait aussi énormément de fumée de toutes sortes. Juste histoire d'ajouter un sens de plus à ma révolte. On écoute Corbeau, Cache-moi, sur CKRL Radio, la nuit, à Québec. C'était Cache-moi de Marjo et les Corbeaux. Allons-y donc pour une des dernières séquences de la soirée. Il est 1h20 et je pense qu'il annonce beau demain. Il annonce beau demain? Tu crois? Oui, Anna? Bien sûr. Il annonce beau. Comme toujours. Il fait toujours beau. Ben oui, il fait toujours beau sur Genix et Clean Max 80, évidemment. Que ça soit nuageux ou que ça soit un parfait ciel bleu, il fait toujours beau sur CKRL Radio. Allons-y donc avec la séquence. Quelle séquence? Le 9, je pense. Le 8. Le 8. Le 8 qui est le chiffre de l'éternité. Alors, C'est à la page 124. Ça s'intitule Les troubles. Les troubles entre mes parents, d'après ce que je comprenais, avaient supposément pour origine la frivolité de ma mère. J'avais pu saisir entre les lignes que mon père l'accusait grosso modo d'encourager les hommes, du moins ses nombreux clients du bar Lorraine, le rade le plus miteux de Lauzon Beach, et même de toute la rive sud, je dirais. Ça se trouvait juste vis-à-vis du chantier maritime de la Davy Shipbuilding. La plupart du temps, les clients de l'endroit y pointaient matin, midi et soir. Donc, en plus de son boulot à plein temps, elle avait commencé très rapidement à bosser là 2 soirs par semaine. Barmaid. À s'encanailler et à se laisser draguer, sans doute, par les journaliers qui s'y côtoyaient pour une petite frette aux Lorraines. Dire qu'au début, c'était censé être seulement pour un soir par semaine. Or, on était bientôt passé, comme dans la chanson d'Indochine, à 3 nuits par semaine. Et elle en voudrait encore. Et elle voudrait le revoir. Allons, maman. Mais tu rigoles, j'espère. Tu vois pas que tes problèmes avec papa nous précipitent dans le mur? Et tout ça pour un gros pot de centimes chaque trimestre. Oh, maman! Maman me répondait sèchement de me mêler de mes putains d'affaires. Indochine. Non, les amis, vous n'êtes pas dans une bulle temporelle. Vous êtes bien sur CKRL Radio, le 89.1 à Québec. C'est dans la nuit de rêve. que j'ai fait ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que vous voulez savoir ça? C'est pas assez de juste savoir que c'est moi? Ben, je fit pas le profil. Ben, de manière complètement objective, je fit pas le profil. Je suis une jeune femme éduquée, mes professeurs diraient brillante. Fait que pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Demain, je serai personne. Une pièce de Saria Bazin dans une mise en scène de Philippe Soldevilla. Une coproduction du théâtre Sortie de secours et de la compagnie Excentrée. Du 30 septembre au 18 octobre, billets en vente sur premieracte.ca. Premier Acte remercie ses partenaires de saison. La Caisse des Jardins de Québec, la Caisse d'économie solidaire, Hydro-Québec, Le Soleil et la Fabrique culturelle. Le Palais Montcalm vous offre le New Jazz à son meilleur avec Gogo Penguin. Le trio britannique, maître dans l'art de fusionner les influences jazz, classique et électro, présente les pièces audacieuses de son nouvel album, Necessary Fictions. Entre instrumentation acoustique et texture électronique, le groupe vous embarque dans une expérience sonore riche et immersive. Le 16 octobre, les amateurs de New Jazz ont rendez-vous au concert de Gogo Penguin au Palais Montcalm, Maison de la musique. Détails au palaismontcalm.ca. La brasserie Nano Cinco t'invite à son Oktoberfest du 9 au 12 octobre à Limoilou. Au programme, des bières d'inspiration allemande et le remplissage à seulement 7 $ à l'achat du bock de l'événement. Beagle Bagger sera aussi sur place vendredi et samedi pour faire des sandwichs vegan spécial Oktoberfest. Soirée reggae vendredi avec le DJ Bob Bouchard et DJ set 100% vinyle samedi soir avec Sidoine. Viens fêter l'Oktoberfest de Nano Cinco du 9 au 12 octobre au 236 3e rue. À ne pas manquer, à l'auditorium du Cégep de Lévis. Samedi 11 octobre à 19h30, Comme chez nous, le 6e show de Réal Bélan, un spectacle qui entre dans l'intimité d'un comique. Samedi 18 octobre à 19h30, Cette voix se veut un témoignage d'affection de Dan Bigras envers son ami Jerry Boulet. Leur parcours unique vous sera raconté au travers d'anecdotes et de chansons. Samedi 15 novembre à 19h30, Luce Dufault, Lulu Hughes et Kim Richardson. Les trois interprètes se retrouvent ensemble sur scène dans un nouveau spectacle intitulé « Elle ». Informations et achats au espacedcl.ca. De retour sur notre émission « Genix et Climax 80 » sur CKRL Radio, le 89.1. Cette excellente chanson qui va commencer, eh bien, c'est joué par le même groupe que vous avez entendu juste avant la pub. C'est un groupe phare de la francophonie des années 80. Ça s'appelle Indochine. Drôle de nom pour un groupe aussi glam, puisque l'Indochine correspond au massacre de Dien Bien Phu, et pour la France, c'est pas toujours des bons souvenirs Dien Bien Phu, mais c'est pas grave, Indochine rattrape le coup. Indochine sur CKRL Radio, le 89.1 à Québec. Il est 1h30 sur Québec, la ville. Et on lance un défi, les gens. Le premier qui va nous appeler au 418-640-6575, eh bien, pour nous dire qui était l'ennemi juré de Bob Moran, eh bien, vous gagnez un char. Un char de bullshit. Et on dédie cette chanson à notre maire Marchand, qui marche pas mal ces temps-ci pour être réélu. On lui dédie l'aventurier de Indochine et, entre guillemets, Dien Bien Phu. Dites-nous qui était l'ennemi juré de Bob Morane. Appelez-nous, les amis. Il reste... on est encore ensemble jusqu'à 2 heures du matin. On a le temps. C'était notre dernière séquence, la dernière. C'était la 10e, je crois. Alors, on va y aller avec une roue libre. Et ça va être de la musique jusqu'à 2 heures du matin, les amis. Appelez-nous au 418-640-2575 pour nous dire qui était l'ennemi juré de Bob Morane. Et pour nous donner une demande spéciale, ah ouais, nous dire ce que vous pensez. Allez, appelez au 640-2575. À la station CKRL Radio. C'est Ali Moilou, les amis. Appelez-nous. C'est pas un char de bullshit que vous gagnez. C'est un char d'amour de Lana et moi qui nomme vos obligés sur Genix et Climax 80, l'émission Le Feuilleton Radio, votre feuilleton radio préféré dans toute la francophonie. Et c'est là que ça commence les choses sérieuses, les amis. Enfin, sérieuses, presque sérieuses. Est-ce que c'était plus sérieux ou moins sérieux? Est-ce que si c'est plus sérieux, vous nous aimeriez moins? Alors allons-y avec la prochaine chanson. Je te laisse le soin de nous balancer ça, Lana. Et cette excellente chanson des The Cure annonce des tristesses pour... les prochains épisodes de Genix et Climax, parce que, en tout cas, ça va être pas mal émotionnel. Restez des nôtres, les amis. Il est 1h35 à Québec City sur CKRL 89.1 à Québec. C'était Boys Don't Cry du groupe The Cure. Et donc, comme je vous ai dit juste avant, on tombe en roue libre, les amis. Donc, vous pouvez nous appeler pour nous demander une demande spéciale ou pour nous donner la réponse de cette excellente question. Qui était l'ennemi juré de Bob Moran? Bon, s'il y en a qui ont lu Bob Moran, s'il y en a qui étaient nés à l'époque où Bob Moran était publié aux éditions Marabout, c'était d'excellents petits livres de poche. Et si vous trouvez un exemplaire, les amis, ouvrez-le et respirez. Ah, ça sent bon. Ça sent le livre qui a vécu. Et donc, allons-y avec une autre excellente chanson qui parle de maman. C'est dédié à tous les mamans du monde entier. On le dédie aussi à Luciana, la madre. La madre di Sara. Et on la dédie aussi à Borca, la madre di Lana. Ma maman. Oui. Tu veux-tu... Et tu dédies aussi à Sara cette chanson, parce que je pense qu'elle aimait beaucoup les Queen. Oui, mais on la dédie à Luciana, celle-là. OK. Et toi, est-ce que tu veux la dédier à Borca? Et lui dire quelque chose? Volinte mama. Volinte mama, Borca. To me. The Queen et Freddie Mercury. Let's go. C'est sur CKRL, le 89.1 à Québec. Mama. Mama, just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. It's just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. On a écouté un des titres phares du groupe The Queen. Enfin, Queen. C'était Freddie Mercury. J'avoue que j'ai jamais été super fan de lui, mais enfin, j'en ai beaucoup entendu parler. En fait, à l'époque, j'étais un peu têtu et tous les mecs à moustache, en fait, à part Burt Reynolds et quelques énergumènes de la police de Québec. Disons que j'étais très réfractaire au monsieur à moustache. Surtout dans le rock, je trouvais que c'était un peu comme jouer au cowboy en costume de bain, je trouvais. Mais bon, c'était que mon opinion de l'époque. Depuis, j'ai trouvé une manière de clasher et de rocker la casbah, moustache ou pas. Et donc, on va écouter The Clash, Rock the Casbah, sur CKRL Radio, le 89.1 à Québec. Clash, Rock the Casbah, une excellente chanson de l'été 85 ou 86. C'était l'époque où je cuisais, panais et pilais de petits morceaux de poulet. À l'époque, on appelait, c'était le petit colonel et le petit radio transistor jouait sans désemparer toute la journée, de l'ouverture à la fermeture, et Rock de Casbah, c'était une des chansons qu'on entendait. Et donc, on va pouvoir aller à une excellente chanson. Judas Priest. C'est Lana qui nous dit que there's another thing coming. Yep. Et donc, let's go. C'est très approprié puisque, eh bien, Genix et Climax 80, le volume 1, qui est une œuvre encore exclusive, eh bien, c'est le sous-titre du volume 1. You've got another thing coming, the Judas Priest, sur CKRL Radio, le 89.1, et c'est à Quebec City. Salut à tous les auditeurs de CKRL Radio. Tout particulièrement, on salue Eric. Salut Eric, ça fait longtemps. Et, salut Eric, merci. Merci beaucoup pour ton temps. Et puis, n'hésite pas à te manifester sur les réseaux et les gens sur les réseaux sociaux. Sur X, on a un compte, c'est au nom de l'émission, c'est Genix et Climax 80. Ou sinon, vous pouvez aussi aller sur ma page artiste, MR Florian, c'est en lettres majuscules, MR Florian sur Facebook. Ça nous fait plaisir d'avoir vos commentaires et vos suggestions et vos pouces en l'air. Ça nous fait très plaisir. D'ailleurs, un travail intéressant, c'est un travail où, justement, l'accomplissement même du travail devrait être le salaire. Et donc, on vous dédie cette chanson à tout le monde, à tous les auditeurs de Genetic Climax 80. C'est l'hymne des Genics. Et ça dit qu'ensemble, on peut tout faire. Alors, mettons-nous d'accord. Nothing's gonna stop us. No? Nothing's gonna stop us. Alors, et merci. Oui? On y va. Oui, voilà, merci. Salut à Stéphane Morin. Exactement. Vas-y, bonjour. Alors, on se rejoint peut-être pour les gens qui sont là et qui n'ont pas le goût de se coucher tout de suite. On se rejoint ici sur la 3e avenue au quartier de Lune pour aller voir notre ami Stéphane Morin. C'est le king du karaoké à Québec. En tout cas, c'est le meilleur. Et on va aller faire une petite chanson. Hein? Yes. Moi, je vais chanter Elvis Presley. Elvis. Yeah. Thank you very much. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Et ça nous a fait super plaisir et j'espère que vous serez là la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être très émotif. Alors, soyez là pour l'épisode 14 de Genics et Climax 80. Bonsoir, bonne nuit, les amis, sur les ondes de CKRL, le 89.1. Et c'est à Québec. La radio, la nuit. Bonne nuit, tout le monde. À la semaine prochaine. Bonne nuit. Bye. So glad I found you. I'm not gonna lose you. Whatever it takes, I will stay here with you. Take it to the good times, see it through the bad times. Whatever it takes is what I'm gonna do. Let them say we're crazy. What do they know? Put your hands around. Ah, en passant, les amis, dites-le à vos amis, ceux qui seraient susceptibles d'aimer passer un moment avec nous. Et sachez aussi que vous pouvez écouter Genics et Climax 80 à n'importe quel moment, n'importe où, dans le monde. Et pas que le monde français, dans le monde entier, quoi. Il vous suffit donc d'aller sur le site de CKRL Radio. Et vous faites programmation, vous cliquez dans le menu programmation, vous allez sur vendredi minuit et vous trouvez les podcasts. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire, les amis? Faites-le. À la semaine prochaine, tout le monde. Salut. CKRL. À ne pas manquer, à l'auditorium du Cégep de Lévis. Samedi 11 octobre à 19h30, Comme chez nous, le 6e show de Réal Bélan, un spectacle qui entre dans l'intimité d'un comique. Samedi 18 octobre à 19h30, Cette voix se veut un témoignage d'affection de Dan Bigra envers son ami Jerry Boulet. Leur parcours unique vous sera raconté au travers d'anecdotes et de chansons. Samedi 15 novembre à 19h30, Luce Dufault, Lulu Hughes et Kim Richardson. Les trois interprètes se retrouvent ensemble sur scène dans un nouveau spectacle intitulé « Elle ». Informations et achats au espacedcl.ca. Pour sa 34e édition, les Rendez-vous Estrades de Québec présentent une programmation resplendissante de chansons, gigues, musique et danse traditionnelles. Au menu, veillées participatives, spectacles, ateliers pour petits et grands, causeries, apéros et fin de soirée musicale. Du 9 au 13 octobre 2025, au Domaine Meseret, participez à un festival où toutes les générations se côtoient dans la joie des traditions vivantes. Tous les détails au cvpv.net/rendez-vous. Chacun porte son histoire. Chacun porte sa croix. Certaines sont dures à porter et portent à croire qu'on ne mérite pas d'être aimé. C'est l'histoire d'une fille qui pense que son histoire ne mérite pas d'être racontée. Le premier jour de l'an 2015, lendemain de veille, elle s'achète un billet d'avion à crédit pour Paris. C'est l'histoire de Mélodie Saint-Laurent. La Tralée et le Périscope présentent Les Açores, un texte d'Amélie Laprise, mis en scène par Lorraine Côté, du 14 octobre au 1er novembre. Pour information ou achat de billets, visitez le site du Théâtre Périscope. Après une énième tournée en Europe cet été, Bon Enfant sont de retour dans la province. Ne manquez pas le groupe rock de l'heure Bon Enfant en spectacle le samedi 15 novembre prochain à l'Impériale Belle de Québec. J'ai trouvé une étincelle. Un amour éternel. Bien en vente maintenant sur bonenfantband.com. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15% de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. Allô, c'est Maxence avec Rosalie, Marie-Claude et Bernard. J'anime Cap Estrade, une émission spécialisée en musique traditionnelle du Québec et d'ailleurs. On fait entendre le meilleur de nos sélections et on vous tient informé de tout ce qui se passe sur la scène trad locale. Pour en savoir plus, c'est tous les dimanches de midi à 13h, bien sûr, sur les ondes de CKRL 89.1.